Bonjour à tous, on se retrouve sur Radio Campus Orsay pour ce deuxième épisode de Détour d'Horizon. Bonsoir Xavier. Bonsoir Mathias. Tu me fais l'honneur d'être là, c'est tes premières émissions et bientôt tu auras ton concept d'émission qui arrive. Il paraît. Il touche, il arrive bientôt. Donc là on est Détour d'Horizon et aujourd'hui on a décidé de parler jazz. Eh oui, on a décidé de vous faire découvrir un peu ce style quand même assez célèbre. Et quand même pas mal méconnu du public, du grand public, alors qu'il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à savoir. Et on a pris le problème un peu comme des amateurs, hein, parce que en soi, on va pas se mentir, on est des gros amateurs. Et puis on a essayé de voir ce qui définissait le jazz, en fait, de faire un petit tour d'horizon du jazz, les grands artistes, les grands mouvements et les grands moments historiques de ce mouvement musical. On va faire un petit tour, donc, et on va essayer d'appréhender ça d'une manière chronologique plutôt. Alors, le jazz a beaucoup d'influences. C'est du style américain en populaire. Ça s'inspire de la musique européenne et des musiques d'Afrique de l'Ouest. Ouais, c'est ça. Et c'est basé sur différents styles de musique tels que le ragtime et le blues. Et on va commencer par vous mettre un petit morceau de ragtime. Que vous allez sûrement reconnaître, je pense. Alors, vous aurez sûrement reconnu The Entertainer, interprété par Scott Joplin. C'est un thème assez connu. Hein. Donc, pendant qu'on préparait l'émission avec Xavier, on nous a surpris à faire la playlist. Et je ne sais plus qui c'est qui nous a dit c'était ça. C'était Akram. Akram. Et ça lui faisait penser à des films en noir et blanc assez comiques, une musique assez marrante. Très c'est mécanique. Vrai, c'est vrai que ça fait penser aux films en noir et blanc, c'est un petit côté Charlie Chaplin. Et il nous disait qu'on aurait l'air un peu drôle. Si oui, un peu comique en parlant dessus. Et ce qu'il faut savoir sur Scott Joplin, c'est que c'est quand même un compositeur qui a une formation plutôt classique. En même temps qu'il écrit et interprète ses premiers morceaux de ragtime, il compose aussi un opéra. Et c'est assez sympa de voir que... Eh ben, le jazz, qui se veut quand même un style assez anticonformiste hein, quand il démarre, prend quand même des influences dans des styles de musique, on va dire, un peu conformistes, tels que le classique. Mais il n'y a pas que ça, hein. Le jazz, c'est vraiment un gros melting pot de plein de choses. Donc, de la musique classique, du blues. Il faut aussi savoir que le blues, à l'époque... Hein, c'est pas le blues tel qu'on le connaît maintenant, actuellement. En fait, c'est basé sur des chants de travail, des working songs pour les esclaves. Et donc ils sont là. C'est aussi pour et le blues. Donc d'où vient l'expression blues? On est un peu triste. Et ouais, c'est pour ça. Exprimer sa tristesse. Sa détresse. Sa détresse, oui. Et la forme de la musique est aussi un peu différente. C'est-à-dire que dans les années 1890. Le blues, il y a une base musicale, hein, on a un fond musical, mais on chante pas vraiment dessus. C'est plus, ça se rapporte plus à ce qu'on verrait aujourd'hui comme du slam en fait. Et puis au fur et à mesure des années, ça a évolué pour devenir ce qu'on connaît maintenant, qui est plus chanté, mais au début c'était plus parlé. Mmh. Et puis on va avoir une influence aussi assez comment dire ça, religieuse avec le jazz qui tire ses racines du gospel, des chants cantiques, du negro spiritual, exactement, et des fanfares et de la musique africaine comme tu l'as déjà dit tout à l'heure. Je vais vous mettre un petit morceau de blues, ça s'appelle Diving Duck Blues de Taj Mahal et Keb Mo, Et on entend un petit peu ce que tu disais, le fait que ce soit slamé qui est en parallèle de la musique et enfin qui n'est pas qu'un fond musical, mais vraiment une musique et les paroles qui sont mises en avant pour transmettre un message, un peu comme dans le slam. Même s'il me semble que ce morceau-là, il a été enregistré assez récemment. Oui, il date pas de l'époque du ragtime. And I was a diving duck. If the real world was it, I was a diving duck. Honey, if the real world was it, I was a diving duck. Ooh, y'all, I dive upon the bottom, honey, and I never come home. Well, the sun's gonna shine on my back door someday. You know the sun's gonna shine on my back door someday. Well, now the sun's gonna shine on my back door someday. The wind's gonna rise and blow my blues away. Would you love an arms around me, honey, like the circle around the sun? Put your loving arms around me, baby, like the circle around the sun. Put your loving arms around me. Alors pendant qu'on enregistre l'émission, il y a Paul Rémy qui est là avec nous et il voudrait nous faire un petit point sur le bottleneck. Alors le bottleneck c'est quoi? Alors il y en a là sur ce morceau là. C'est en fait c'est très utilisé à partir du blues. C'est tout simplement, c'est à l'époque ils prenaient une bouteille, ils prenaient juste le haut de la bouteille là, le goulot. En fait ils s'en servaient avec le doigt pour faire ces espèces de petits glissants d'eau qu'on entend à la guitare. Et c'est apparu avec le blues. Voilà, c'était les 20 secondes. Les bottlenecks. Alors aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour revenir dessus, aujourd'hui, on n'utilise plus, c'est plus fait comme ça, on en trouve dans les magasins. C'est des tubes en métal. Et voilà. Ok, merci pour l'info. Avec plaisir. Alors une fois qu'on a toutes les influences, c'est le départ du jazz. Et le jazz vient de Nouvelle-Orléans. Ah, la Nouvelle-Orléans. C'est qui donne d'ailleurs le nom au style. C'est le New Orleans Jazz. Et c'est là qu'il naît. Alors aux alentours au début du XXe siècle, 1910 et quelques. Mm-hmm. Alors au début, on a des fanfares, des groupes qui jouent dans la rue. Donc ça, c'est des jazz bands de rue au début. Qui joue. Alors, ce qui est important à savoir au niveau du contexte, c'est qu'il y a la loi de Jim Crow sur la ségrégation et qui interdit à un artiste noir de jouer dans un groupe de blancs pour de la musique. Mm. Et c'est pour ça que le jazz est majoritairement influencé par toute la culture afro-américaine. Donc, mais c'est des gens, je crois, assez pauvres hein, pour l'époque. Et je crois qu'il y a. Où est-ce qu'ils vont trouver leurs instruments? Alors oui, il y a la fin de la fin de la guerre civile, pardon. Ouais. J'ai eu un petit problème. Donc c'est la fin de la guerre civile et il y a beaucoup d'instruments militaires qui vont revendre en surplus. Et c'est là qu'ils vont trouver leurs instruments, pouvoir jouer dans des fanfares pour se gagner un petit peu de sous. Et ils jouent dans la rue pour faire profiter à tout le monde dans les années 1910 et ils créent un peu ce style. Et un des artistes qui représente bien ça, c'est Joe Joseph Olivier, aussi connu sous le nom de King Olivier, qui naît en Louisiane, à Aben. C'est à la base un tromboniste, et puis après il va aller jouer du cornet à piston. Il commence sa carrière en 1908, et pendant 10 ans, il va aller jouer dans plein d'orchestres différents, tels que l'Olympia, le Monolia, etc. Et c'est à travers son séjour hein, dans ces différents orchestres qu'il va prendre son surnom de King. Et c'est de là que vient son nom, King Olivier. Et en 1922, il crée un groupe qui s'appelle le Creole Jazz Band, qui est un groupe assez avant-gardiste, parce que voilà, c'est lui qui va poser les bases de ce que sont le jazz, en gros, pour l'époque. C'est le vrai début du jazz, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le début du jazz à la Nouvelle-Orléans. Et du coup, le Creole Jazz Band est un groupe très avant-gardiste. Et, est-ce que tu as un petit morceau à nous faire écouter pour alors, découvrir? J'aimerais vous proposer Aquarela do Brasil, du Creole Jazz Band. Allez, c'est parti. Se retrouve sur Radio Campus Orsay après Aquarela do Brasil du Creole Jazz Band. Il me semble que ce morceau, on l'a pas choisi par hasard. Hein, parce que quand on l'a écouté, ça t'a fait penser à quelque chose. Alors oui, ce morceau n'est pas choisi au hasard. En effet, c'est Aquarela do Brasil a été repris en 1985 par Jeff Muldor pour le film Brasil, donc qui est un film sur une dystopie bureaucratique et qui a conseillé aussi une histoire d'amour un peu comme 1984 de Orwell. George Orwell. Voilà. Donc Aquarela do Brasil qui a été repris comme thème de cette musique. Donc on parlait de New Orleans Jazz et de ces fameuses fanfares de cuivre et d'instruments à hanches. Donc les instruments qui étaient plutôt faciles d'accès. Et c'est comme ça qu'ils sont lancés à partir de fanfares pour créer ce merveilleux style musical qui est le jazz. Et alors il y a aussi le Dixieland qui est un courant musical. Le Dixieland, okay, qui Dixieland. Est en parallèle au jazz et qui en fait c'est les blancs qui ont repris qui ont repris les points du jazz. D'accord. Pendant cette époque. Et en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, la communication n'est pas la même que maintenant avec tous les médias, etc. Et le jazz a mis quand même un certain temps à bouger aux États-Unis et à remonter vers le nord, à partir de la Louisiane, et pour arriver à New York et à Chicago, et ensuite s'est développé de manière générale. Un des artistes quand même qu'on peut citer qui a permis au jazz de se développer, c'est un artiste qui jouait justement dans le Creole Jazz Band de King Olivier. C'était un petit cornettiste assez prometteur. Ouais. Il s'appelait Louis Armstrong. On l'entend actuellement avec Saint James Infirmary. Ah, Louis Armstrong. On peut pas faire une chronique sur le jazz sans parler de Louis Armstrong. Louis Armstrong, en fait, il a pris la musique afro-américaine, le blues, le gospel. il les a mis ensemble et il en a fait un style populaire et universel à partir des années 20. Il commence sa carrière et ça va aller crescendo. Au milieu de sa carrière, il va enchaîner les concerts à un rythme effréné en fait. Parfois, il tourne à un rythme de 300 concerts par an. C'est énorme. Et en fait, à travers ses différentes tournées à travers le monde, hein, il ne va pas rester qu'aux États-Unis, eh ben, il va populariser le jazz tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il va aussi poser les bases de l'improvisation. Louis Armstrong, c'est vraiment le premier improvisateur, entre guillemets, tel qu'on connaît. Qui est très important dans le jazz, l'improvisation. Ah, ouais. C'est une partie centrale de ce style. Et petit fait intéressant, il faut savoir que c'est Louis Armstrong qui a inventé le scat. D'accord. C'est lui qui invente le scat. Ouais, alors Louis Armstrong, c'est vraiment le personnage qui fait connaître le jazz. C'est vraiment le personnage central, une des personnes les plus importantes du mouvement. Pour découvrir un peu l'artiste, je vous propose d'écouter un de ses morceaux emblématiques. Tu as insisté beaucoup pour qu'on mette cette musique. Ouais, qui s'appelle What a Wonderful World. Je pense que vous vous reconnaîtrez. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. On se retrouve sur Radio Campus Orsay. J'aime vraiment beaucoup ce morceau. J'aime vraiment beaucoup ce morceau. Et j'ai une version de ce morceau, une reprise à conseiller à nos auditeurs. Je vous invite à aller écouter une reprise qu'a fait un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Kenny J, qui est saxophoniste et qui fait entre autres du saxophone soprano. Et il a fait une reprise, du coup il a pris la version chantée du coup, de What a Wonderful World et il a ajouté sa petite touche à lui au saxophone soprano et je la trouve vraiment super cette version, donc je vous invite à aller l'écouter. Donc What a Wonderful World de Kenny J. De Kenny J. Avec aussi Louis Armstrong qui chante. J'aime beaucoup le saxophone soprano parce que moi-même je suis clarinettiste et à la même époque... On a un clarinettiste très connu qui s'appelle Sidney Bechet qui fait aussi des, entre guillemets, des ravages. Et pour la petite anecdote, quand j'étais petit, j'ai eu l'occasion de travailler sur des méthodes Bechet. Et j'avoue qu'avant de préparer cette chronique, et je connaissais pas vraiment. Je me disais, oh, c'est juste un nom comme ça. Et en fait, non, c'est vraiment un super guitariste. Un super clarinettiste, pardon. Et pour découvrir cet artiste, je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle « Si tu vois ma mère ». Qui est le morceau que je préfère le plus de cette émission, je tiens à le dire. C'est le coup de cœur de Mathias. Quel final. Là, pendant la pause, tu me racontais une petite anecdote. Ouais. En fait, ce son de clarinette, il est assez caractéristique. En fait, ça me rappelle vraiment mes cours de clarinette. Si un jour, mon prof de clarinette vient à tomber sur cette chronique, je le salue. Il s'appelle Franck. Et en fait, dans son bureau, là où je prenais mes cours, il y avait une clarinette, mais une vieille clarinette en métal gris. Et un jour, je lui ai demandé d'où elle venait. Et il m'a dit qu'un jour, en voyage à Louisiane, il l'avait gagnée ou on lui avait offerte. Et il m'a dit que cette clarinette, c'est une clarinette... En métal, non ? Ouais, et qu'on utilisait à l'époque pour faire des battles de jazz. Alors il m'a expliqué que les gens se réunissaient dans la rue. Et du coup, on avait une fanfare, un groupe qui jouait un thème, etc. Et on avait des gars qui montaient sur des voitures, sur les toits des voitures, deux mecs, pour s'affronter dans une battle d'improvisation. Et cette clarinette, elle avait servi à faire ces battles là, et il l'avait racheté et il avait joué, il m'avait proposé de jouer avec et il avait joué aussi, et en fait elle avait ce son assez caractéristique que qu'a le Sidney Bechet. Alors ouais, c'est bon, c'était le petit instant nostalgie. C'était Si tu vois ma mère, donc, de Sidney Bechet avec une clarinette en métal. Oui, Paul Rémy. Bon, alors moi j'ai une petite anecdote. En fait, c'est pas vraiment une anecdote. C'est plus quelque chose pour tous ceux qui sont pas forcément familiers de la musique. La clarinette. Alors Xavier, évidemment, comme il est très proche de ce milieu-là, c'est un bois à la base. Donc avoir une clarinette en métal, c'est pour ça que c'est particulièrement remarquable. Et il y a un instrument qui, d'apparence, ça pourrait être un cuivre, mais qui n'en est pas un. Mm-hmm. Mathias, est-ce que tu as une idée? Le saxophone. Ouais, c'est complètement. C'est le saxophone. Et alors peut-être Xav, pourquoi c'est un bois? Parce qu'il y a une hanche, non? C'est ça. Ouais. À partir du moment où il y a une hanche dans un instrument, c'est considéré comme un bois. Donc ça dépend dans quoi on souffle. Voilà. Donc enfin une hanche, consendante, c'est juste la partie dans laquelle souffle l'instrumentiste. C'est pas vraiment la partie dans laquelle souffle l'instrumentiste. Xavier, je te laisse. C'est pas vraiment la partie dans laquelle souffle l'instrumentiste. La partie dans laquelle souffle l'instrumentiste, c'est le bec. Et en fait, sur le bec, on va mettre la hanche. Et la hanche, c'est quoi? C'est un morceau de roseau qu'on a taillé et qu'on va faire vibrer en pinçant avec ses lèvres, hein, d'une certaine manière, qui varie en fonction des instruments. Et ce morceau de roseau va vibrer et va produire le son, en fait. Et c'est ce morceau de roseau qui produit le son, qui vibre. Et cette vibration, on la fait passer dans l'instrument, et en fonction des trous qu'on bouche, on fait varier le son. Il faut savoir que ce morceau de roseau, on peut le tailler selon différentes épaisseurs. Les débutants auront des épaisseurs plus fines, mais du coup, ça va donner un son un peu plus criard. Et du coup, plus on progresse, plus on va dans des plus grosses épaisseurs, mais plus c'est difficile à jouer, en fait. Donc voilà, quand j'ai commencé, je jouais avec les hanches, je sais pas, 2, 2,5, et maintenant, on joue sur du 3,5. Voilà, donc une petite anecdote sur les hanches qui sont plus ou moins épaisses. Voilà. Non, là, on arrive vers la fin de Nouvelle-Orléans Jazz, pas la fin de l'émission. Hein. Ouais. Et on rentre à la fin du. En 1929, il y a un grand krach boursier. Le jeudi noir qui va changer un peu la face de l'Amérique. Et c'est aussi l'apparition du middle jazz, qui est un nouveau style. Caractérisé par l'utilisation de guitares électriques déjà, d'instruments, on ne sait plus, c'est fanfare avec quelques instruments à cuivre et à hanches. On a d'autres instruments qui sont rajoutés et les formations sont beaucoup plus grosses. C'est des big bands avec beaucoup d'instrumentistes, beaucoup de musiciens. Et les partitions vont être composées pour qu'un soliste ressorte, donc peu importe son instrument, ça dépend des big bands qu'elle joue, ce sera un instrumentiste qui va ressortir par rapport aux autres dans des big bands. C'est une autre époque, voilà, le middle jazz. Alors, je propose, avant de présenter l'artiste, d'écouter déjà ce qu'il a fait, et puis on y revient. Alors, le morceau s'appelle Caravane. Caravane. Et ouais. Ça va sûrement vous dire quelque chose. Ça va vous dire quelque chose. On y revient juste après. Thank you. se retrouve sur Radio Campus Orsay. Sur Caravane de Duke Ellington. Ouais, l'artiste s'appelle Duke Ellington. Alors, avant de parler du morceau en lui-même, hein, parce que je pense qu'il vous aurait évoqué quelque chose. Alors, Duke Ellington, on va parler un petit peu de lui. C'est un pianiste, compositeur, et il est important parce que lui, il va amener le jazz à un autre niveau. Hein. À l'époque, le jazz, c'était une musique un peu swing, un peu, comment dire ça, pas trop intellectuel. Hein. C'était la musique pour danser, pour se déhancher, voilà. Et lui, il va en faire un art. Il va en faire une musique intellectuelle, en fait, vraiment. Il va composer de manière vraiment super intelligente, super... Des thèmes recherchés, beaucoup d'harmonie. Ouais, très, très recherché. Et il faut savoir que Duke Ellington, en fait, quand il compose, il ne compose pas n'importe comment. Hein. Quand il fonde ses orchestres, en fait, il va composer en fonction de la spécificité de ses musiciens pour faire ressortir leur point fort et les accentuer, justement. Et on considère que c'est lui qui est la plus grosse œuvre de l'histoire du jazz en termes justement de nombre d'œuvres. Il faut savoir que Duke Ellington, il a composé plus de 3000, enfin environ 3000 morceaux. 3000 morceaux ? Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que pendant 10 ans, t'en fais à peu près un par jour, quoi. Ouais, c'est vraiment c'est gigantesque. C'est gigantesque comme œuvre. Et voilà, on pourrait dire que l'amour de ce jazz un peu intellectuel, un peu compliqué, avec plein de septièmes, je fais un petit clin d'œil à Paul Ring parce que je sais qu'il aime ça. Toutes ces septièmes, ces neuvièmes, etc., ces accords compliqués, ça vient de lui. Et du coup, je vais revenir vite fait sur le morceau là, qu'on a entendu qui s'appelle Caravane. Je pense qu'il vous aura évoqué quelque chose, ou pas hein, d'ailleurs, mais en fait, ce morceau là, il a été repris pour un film qui s'appelle Whiplash et qui a été très très connu ce film. Beaucoup de gens sont allés le voir. Vite fait, ça raconte l'histoire d'un jeune musicien qui veut devenir le plus grand batteur de sa génération et qui va aller s'entraîner avec un prof un peu despotique et s'ensuit plein de choses. Et ce morceau, il va cristalliser un peu le film. Pourquoi ? Parce que c'est le morceau de la fin qui dure quasiment 10 minutes. Une dizaine de minutes, oui. Il dure quasiment 10 minutes et en fait, dans ce morceau-là, l'élève va vraiment défier le professeur et sortir un solo de batterie, mais vraiment génial. Du coup, je vous invite déjà à écouter ce morceau et à aller voir ce film. Parce que si vous ne l'avez pas vu, ou revoir, hein, parce que c'est vraiment un super bon et beau film. C'est de qui le film ? Alors, Whiplash, il est sorti en 2014 et c'est un film de Damien Chazelle. Ouais, c'est un film de Damien Chazelle. Ouais. Et du coup, je vous invite à aller le voir. Et je vous laisse quand même un peu profiter de ce morceau parce que je l'aime beaucoup. On se retrouve sur Radio Campus Orsay avec Caravane, cette fois-ci de ouais. John Wasson, qui a été réadapté pour le film Whiplash, et qui a été à la base composé par Duke Ellington. C'est ça. On sent vraiment la différence entre les deux morceaux, l'évolution, et la batterie est quand même centrale, puisque ouais. C'est un film sur un batteur, et la batterie est quand même centrale dans ce morceau, mais ouais, moi j'aime bien celle-ci. Ah, j'aime beaucoup cette version-là. Ouais, cette version-là est vraiment top. Alors, cette époque-là, comme tu l'as dit, c'est l'époque du swing et de la danse, même si Duke a réussi à tourner ça de manière plus intellectuelle. Mmh. C'est vraiment fait pour danser, c'est des musiques swing, entraînantes. C'est les jeunes dansent le swing parce que c'est plus branché que la Java à cette époque. On peut les écouter du jazz et danser dans des cabarets de jazz, que ce soit à Harlem, en Louisiane ou même à Saint-Germain-des-Prés. Alors, il faut savoir que le jazz a eu aussi une... C'est aussi beaucoup développé à Paris pendant lors des années folles, avec des cabarets, des danseuses telles que Joséphine Baker. Et c'est dans ces cabarets, on peut les trouver à Montmartre et à Montparnasse. C'est là que on peut aller danser, s'amuser, s'éclater. C'est aussi bon, les années folles. Peut-être qu'on aura un jour la chance de faire une émission spéciale sur les années folles parce qu'il y a beaucoup de choses ça à dire. Vraiment bien. Et il y a aussi le jazz manouche qui s'est développé pendant cette époque-là à Paris, vers la fin des années folles. Ouais, le jazz manouche, on reviendra un peu sur le jazz manouche un peu plus tard. Donc voilà, de la musique faite pour danser, et c'est très popularisé par l'apparition de l'utilisation plus fréquente du phonographe, qui permet de la rendre populaire. Et j'aimerais vous mettre New York, New York, qui n'a pas été composé par Duke Ellington, malgré ses 3000 compositions, comme tu l'as dit, mais qui a été composé par Frank Sinatra. Vous la connaissez sûrement, mais il fait une très belle interprétation de New York, New York. New York, New York, New York, what the apple's supposed to be. A New York, New York, New York, New York, New York is the headline galaxy. Subway flight, Broadway bright, lights and sights, a million delights. Thrill, thrill, thrill, Sugar Hill still. Oh, Washington Heights, New York, New York. New York, New York. New York, what the apple's supposed to be. New York is the glamour. New York is the sun-swept, starlit, moonshine, super grand slammer. Oh, yeah. Subway flights, Broadway brights, lights and lights, a million delights. Thrill, thrill, thrill, Sugar Hill still. Oh, Washington Heights, New York, New York. New York, New York, New York, what the apple's supposed to be. Headline galaxy, utmost most to me. What the apple's supposed to be. Dancing romance. On se retrouve sur Radio Campus Orsay. Donc cette merveilleuse interprétation de Duke Ellington de New York, New York. On est toujours dans la période middle jazz entre 1930 à la fin du krach boursier à 1945. D'ailleurs, en 1945, c'est le sortir de la guerre, fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à cette époque, en fait, ben justement, le middle jazz swing va perdre de sa popularité, Duke Ellington aussi, au profit d'un nouveau style qui est en train de monter en force, qui s'appelle le bebop. Et un des têtes de file du bebop, c'est The Bird. The Bird qui n'est autre que Charlie Parker. Alors, Charlie Parker... Qu'on entend actuellement avec Parker's Mood. Ouais, Parker's Mood, très beau morceau. Charlie Parker, c'est, il est considéré par beaucoup comme le meilleur, un des meilleurs en tout cas, et par certains pas comme le meilleur saxophoniste de tous les temps. On considère qu'il a eu la plus grosse influence jazz sur le style jazz avec Duke Ellington et Louis Armstrong. Il amène une technicité dans ses impros très rapide, très technique au niveau du bebop. Et faut savoir que Charlie Parker, en fait, c'est un peu un autodidacte. Et quand il commence, il maîtrise pas du tout l'harmonie. Et pour remédier à ça, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer dans différents orchestres et il va jouer beaucoup à l'oreille. Et c'est en fait en jouant à l'oreille, il est obligé de savoir improviser. Il est obligé d'improviser sur les morceaux parce qu'il connaît pas l'harmonie. Et c'est ça qui va développer son talent pour l'improvisation, en fait. Et quelque chose qui symbolise ça, on va en revenir au film dont je parlais tout à l'heure, qui est Whiplash. Si vous avez vu le film Whiplash, vous connaissez l'anecdote, la légende sur Charlie Parker, qui est que un jour, il est dans un bœuf et il va se louper sur son impro. Il va faire une impro vraiment nulle. Et la légende raconte que Joe Jones, qui est le batteur à ces jams-là, va lui lancer une cymbale qui va manquer de le décapiter. Et ce jour-là, Charlie, il va sortir sous les rires, il va pleurer dans son lit cette nuit-là. Et le lendemain, il se lève et il se dit plus jamais, plus jamais. Et en fait, il va bosser ses gammes et bosser comme un malade. Et un an plus tard, il va claquer le solo de sa vie. Alors, il faut un peu tordre le cou à cette version-là, hein, que les gens retiennent beaucoup parce qu'elle est dans Whiplash. Et, oui, Jojo, il a balancé une cymbale. Alors non, elle a pas failli le décapiter, Charlie Parker. Non, il a lancé une cymbale à ses pieds pour marquer en fait sa désapprobation. Bon, c'était pas méchant. En fait, il a pas voulu vraiment être méchant. Il a juste voulu dire, hey, petit, ce que tu fais là, c'est nul, en fait. Vraiment, sort de scène. Et par contre, il a vraiment eu honte, quoi. C'était vraiment pour lui faire honte qu'il a fait ça, Jojo. Mais la cymbale l'a pas tué. Mais par contre, c'est vrai que il va beaucoup travailler cette année-là, vraiment beaucoup travailler, et revenir un an plus tard et claquer ce qui est considéré comme le meilleur solo de saxophone par beaucoup de gens de tous les temps. Et voilà. Pour découvrir un peu Charlie Parker, je vous propose Scramble from the Apple. Ouais, Scramble from the Apple, c'est un super bon morceau, j'aime beaucoup. Thank you. On se retrouve sur Radio Campus Orsay pour l'émission Détour d'Horizon, toujours notre émission de jazz avec Xavier. Coucou. Et là, on finit d'entendre ce merveilleux morceau Scrapple from the Apple de Charlie Parker. Là, c'est du bebop. On est en 1940, fin de la guerre. Et donc là, on a plus une recherche de liberté, d'improvisation parce que les big bands qu'on parlait juste avant, dans toute la période middle jazz, étaient assez carrés, il fallait suivre. Et là, on retrouve des formations un peu plus petites en soi, pour pouvoir avoir plus de liberté. Parce que, bon, un big band qui fait une improvisation, je pense que c'est un peu plus compliqué que 5 ou 6 personnes. Donc voilà, des plus petites formations avec Charlie Parker. Et en parlant de Charlie Parker, du coup, on peut enchaîner avec un autre artiste qui est aussi très important. Alors, il s'appelle Miles Davis. Alors pourquoi j'enchaîne entre Charlie Parker et Miles Davis? Parce qu'en fait, Miles Davis, il va commencer sa carrière quasiment avec Charlie Parker. Alors, bon, Miles Davis, il faut prendre quelques minutes hein, pour parler de lui, parce qu'il a vraiment fait tout. Il a touché à tout. En fait, on considère que c'est un... Alors, Miles Davis, c'est un trompettiste, et on considère que c'est un trompettiste caméléon. Pourquoi caméléon? Parce qu'il n'a eu de cesse de se réinventer. Il a vraiment touché à tout. Alors, on va faire on va résumer vite fait en gros ce qu'il a fait. Donc, en 1944, il joue avec Charlie Parker. En 1945, donc en un an, il va passer par Juilliard, qui est une école de musique. Mais ça ne va pas lui plaire trop, parce que c'est un peu trop conformiste. Et ça ne lui plaît pas, ces règles de musique, entre guillemets, de blanc. Très conformiste, très européenne, donc ça va pas trop lui plaire, et puis il va aller dans beaucoup de jouer avec de très grands, voilà. Et en 45, il va intégrer le quintet de Charlie Parker, donc il va jouer du bebop. En 1950, il va créer un style de musique sur une collaboration avec Gil Evans. Il va créer un style qui s'appelle le jazz cool, ou le cool jazz, je suppose, en anglais. Et en fait, ce style prend vie sur un album qui s'appelle The Birth of the Cool. The Birth of the Cool, la naissance du cool. Je vous propose déjà d'écouter un morceau de cet album qui s'appelle Move. Nous écoutons actuellement So What de Miles Davis. Ouais. Et tu veux que je mette Move? Ouais, mais Move. Je vais revenir sur So What un peu plus tard. Alors, Move de Miles Davis, Birth of the Cool. Je vous laisse apprécier. Thank you. exemple du style que Miles Davis a créé, le Jazz Cool, donc dans les années 1950, et ça, c'est pas fini. Donc en 1959, il va se diriger vers... il va enregistrer un des albums les plus marquants de l'histoire du jazz. En fait, il s'appelle King of Blue. Et en faisant ça, il va se rapprocher du hard bop. En fait, il veut revenir un peu à l'essence du jazz. Il va questionner un peu les racines du jazz. Donc, il va enregistrer cet album, King of Blue, dans lequel on retrouve justement le morceau dont tu me parlais tout à l'heure, qui s'appelle So What, qu'on écoute en ce moment-là. So What. Très connu. Et donc il l'enregistre avec un sextet, et dans ce sextet, on retrouve un saxophoniste, et pas des moindres, John Coltrane, très connu aussi, et au piano, Bill Evans. Donc vraiment, Miles Davis, il a collaboré avec les plus grands. Et c'est pas fini, en 1960, il fonde un groupe qui est considéré comme l'un des plus inventifs de l'histoire du jazz. En fait, ce groupe, il va s'affranchir des influences des courants dominants de l'époque. Et dans ce groupe-là, on va trouver Tony Williams à la batterie, Ron Carter à la contrebasse, Wayne au saxo, bon, c'est pas des noms très connus, mais au piano, on va avoir Herbie Hancock. C'est un des gros noms du jazz. Donc vraiment, Miles Davis, il a collaboré avec des gens, avec beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens. Et il n'a pas fait que ça, il a aussi touché, donc il va s'affranchir des codes du jazz, réinventer un peu le style, et il va faire aussi de la musique de film. Dans une de ses tournées à Paris, il rencontre le réalisateur d'un film français qui s'appelle Ascenseur pour l'échafaud, et en fait il va composer la musique du film en une nuit. Et grâce à ce film, grâce à la musique de ce film, il va devenir assez populaire auprès du public français. Et c'est pas fini. Dans les années 70, il initie en fait un rapprochement grâce aux instruments électriques entre le rock, le funk, le rhythm and blues et le jazz. Et ça va ouvrir la voie à un style de musique qui s'appelle le jazz fusion. Et avec, grâce à une collaboration avec des artistes d'un label que vous connaissez sûrement qui s'appelle la Motown. Pourquoi on connaît la Motown ? Je te demande, Mathias, pourquoi on connaît la Motown ? Je sais pas du tout. Tu sais pas ? Bah, c'était il me semble que c'était le premier label de Michael Jackson. Ok. Ouais. Et donc, grâce à... Ouais, les Jackson 5 étaient à la Motown, il me semble. Hein. Je sais pas. J'espère pas dire je vérifierai pendant la prochaine musique. Et du coup, les Jackson 5 étaient à la Motown. Et du coup, grâce avec une collaboration avec des artistes de la Motown, il va créer un style qui s'appelle le Free Funk. Voilà. Et... est-ce qu'on peut écouter un morceau de cette époque ? Alors j'ai Beaches Brew qui est un morceau de l'album Beaches Brew de Miles Davis, et donc des années 70, c'est ça ? Ouais, donc je vous laisse écouter Beaches Brew. Thank you. se retrouve sur Radio Campus Orsay avec Beaches Brew de Miles Davis. C'est du début du jazz fusion, c'est ça? Ouais, c'est alors ça. J'ai vérifié en effet, Motown, c'était bien le label qui a produit Jackson 5 ouais. pendant quelques années. Comme quoi, je dis pas que des bêtises. Hein. du coup, voilà, donc on sent bien là avec ce morceau-là hein, que voilà, il a touché à tout, il a fait un peu de tout. Est-ce que tu peux mettre le morceau un peu plus au milieu? Oui, c'est très long, le morceau dure une trentaine de minutes. Ouais. Alors, tu veux voir vers le milieu? Alors, une trentaine de minutes, c'est assez marrant de dire ça parce que, en fait, dans Miles Davis, à cette époque-là, dans les années 70, il va être très influencé par le rock alternatif qui va se développer. L'Europe psyché un peu qui va se développer, et du coup ça m'étonne pas qu'il fasse des morceaux qui durent 26 minutes. Il a une très longue carrière, alors il, ouais. il su évoluer. Ouais, est-ce que tu peux monter un petit peu le la son. Musique ouais. Ouais, c'est vraiment de la folie cette musique, ça part de partout. C'est... c'est très free en fait. Donc, je me demande si ça s'inscrirait pas dans le bon free jazz donc, ou jazz fusion. Enfin bon, je vous invite à écouter le morceau hein, si un jour vous avez 26 minutes. Elles sont pas perdues. Et dedans, à un moment, on entend une guitare électrique. Du coup, voilà, on sent qu'il y a une influence des instruments électriques hein, du moment. Donc, et électronique aussi parce que son entourage va commencer à toucher un peu à tous ces instruments là, guitare électrique, basse et les instruments électroniques. Alors ouais, je vais juste et pour terminer du coup sur Miles Davis, donc il va faire une pause à la fin de sa carrière et puis il va nous quitter en 1991, mais avant ça il va revenir et dans les années 80 il va faire un rapprochement avec le rap, la pop et le hip-hop. Donc, avant de mourir, il va faire une ouverture entre le jazz et les styles plus actuels. Donc, Miles Davis, c'est vraiment, il va vraiment, voilà, on peut vraiment faire une frise chronologique des styles de jazz entre les années 50 et les années 80 à travers le travail de Miles Davis. Voilà. Donc, si on résume, il fait du hip-hop, il va faire du bebop, il va faire du hard bop. Dans les années 60. Ensuite, il va réinventer un peu les codes du jazz. Il va faire de la musique de film et ouvrir la voie à des styles un peu plus free, donc le free funk, le jazz fusion, rapprocher les styles jazz, rock, funk et à la fin de sa carrière, rapprocher les styles jazz, rock, pop et hip-hop. Il va collaborer avec les plus grands, Herbie Hancock, Tony Williams, Coltrane et j'en passe. Donc Miles Davis, c'est vraiment pour moi, enfin je tenais vraiment à en parler parce que quand je regarde ces gars, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ouais, je crois que Paul Rémy voulait dire quelque chose. Ouais, notre bon, petit là, Paul Rémy. Là c'est un peu tard. Vas-y, montre-moi peut-être. Je sais pas, je m'entends pas. Non, on t'entend très bon, bien. Ça va peut-être être un peu tard. Mais justement sur le morceau, tu disais les influences électroniques, on l'entend extrêmement bien sur le début du morceau. Tous les effets stéréo et tout ça, c'est juste caractéristique du rock prog, de tout ce qui se fait à ce moment-là. Chez Pink Floyd, tout ça, c'est vraiment tout ce qui est musique expérimentale. Voilà. Ouais. Mais il a su évoluer avec le courant. Bah alors là, on va arriver au terme de notre frise chronologique en fait de jazz. On a décidé de s'arrêter là parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à dire. Et on va faire un petit peu un rapide tour des dérives du jazz. Faut bien dire que voilà, on a fait qu'un tour d'horizon. Il y a beaucoup plus à dire sur le jazz. Moi, je pense qu'on pourrait faire une émission hebdomadaire sur le jazz sans être lassé. Voilà, c'est ça. C'est vraiment. On a fait que effleurer en gros la surface, faire un petit résumé. Une petite introduction. Voilà, un petit résumé d'une heure, mais y a plein de choses à dire sur le jazz. Bah, j'aimerais, pour faire les dérivés du jazz, parler un peu de funk avec Maceo Parker qui nous interprète Chicken en 1943. Alors, c'est un saxophoniste, et ça a été le saxophoniste de James Brown. Ouais. Et donc voilà, je vous laisse avec Chicken, qui est du funk, un peu. Alors, dérivé, Chicken qui était créé par Pee-wee Ellis, hein, c'est pas... Ah oui, pas, interprété c'est... seulement par... Ouais, c'est Matthew Parker, il l'a interprété, et Chicken a été créé par Pee-wee Ellis. Alors on se retrouve sur Radio Campus Orsay pour notre émission Détour d'horizon spécial jazz. On effleure un petit peu le sujet. Là on est dans les dérives avec Chicken interprété par Maceo Parker qui fait du funk. On a aussi James Brown en funk. Mais d'ailleurs en parlant de James Brown, Maceo Parker c'était le saxophoniste de James Brown à la base. Et Stevie Wonder, George Clinton et Kool and the Gang, tout ça c'est le mouvement funk qui découle, qui dérive un peu du jazz. Ouais. Et Maceo Parker qui aussi aurait été élu saxophoniste, alors je sais plus en quelle année, mais il aurait été élu le saxophoniste le plus funky de cette année-là, donc du monde. Hein. Donc c'est vraiment pas tout le monde. Alors j'avais pas proposé Chicken comme ça au hasard, c'est surtout que en tant que musicien, enfin instrumentiste, il y a toujours dans les jams quelqu'un qui va dire on fait Chicken. c'est assez drôle, mais voilà, c'est un morceau, c'est un classique funk qu'on peut jouer en jam. Mais voilà, le funk, ça se résume pas qu'à Maceo Parker, hein. Il y a plein d'autres artistes, donc tu l'as dit, James Brown, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, etc. Voilà. Maceo Parker qui a une très longue carrière, il joue encore actuellement. Oui, il joue encore actuellement. Je suis allé le voir en concert il y a 2 ans. Bon, il a vieilli, hein. Il a vieilli. Il est né en 1943, il fait encore des concerts. Ouais, allez le voir tant qu'il en a encore temps. J'espère qu'il va durer encore longtemps, mais je vous conseille d'aller le voir, c'est assez sympa, ou d'aller écouter des morceaux de lui. Il y a un petit morceau que j'aimais bien de lui qui s'appelle Shake Everything You've Got. Donc. Allez écouter ça un peu sur YouTube pour vous faire votre petite idée. Voilà. Un autre morceau qui découle du jazz. Hein. Bon, on continue notre petit détour de jazz. Ouais. Donc on a parlé du funk, pardon, j'arrête pas de dire la funk. Donc du funk, qui est un morceau qui découle du coup de ce mouvement jazz. On a le jazz manouche aussi. Le jazz manouche. Je mets directement l'extrait et on en parlera juste après. Okay. Alors c'est Songe d'automne, interprété par Rosenberg Trio. The Rosenberg Trio. Thank you. De retour sur Radio Campus Orsay, juste après Songe d'automne, interprété par The Rosenberg Trio. C'est du jazz manouche, on entend bien là, ce petit grain un peu gitan, sympathique. Ouais. Le jazz manouche, alors, il date pas. Alors, The Rosenberg Trio, c'est un groupe qui a commencé sa carrière en 1989. C'est un groupe qui vient des Pays-Bas, donc c'est un groupe très actuel et c'est un des groupes phares hein, du mouvement. Il est composé par deux frères et leur cousin. Donc les deux frères sont à la rythmique, leur cousin est soliste. Si vous voulez, il y a une super version de ce morceau qui traîne sur YouTube. Je vous invite à l'écouter. En fait, c'est le même morceau, sauf que la partie clarinette est interprétée par un clarinettiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Evan Christopher. Et j'adore cette version, donc je vous invite à aller l'écouter. Songe d'automne, Evan Christopher et The Rosenberg Trio. Donc si vous avez l'occasion d'aller les écouter, parfois ils passent au festival Jazz in Marciac en France. Donc je vous invite carrément à les écouter, c'est un groupe génial. Et donc le jazz manouche, c'est un style beaucoup plus ancien que le Rosenberg Trio. Il a été créé du coup dans les années 1950, et il y a un homme qui a incarné ce style-là, hein, qui l'a inventé, c'est Django Reinhardt. Django Reinhardt, si vous voulez en apprendre plus sur lui, d'une manière assez divertissante, je vous invite à aller regarder le film qui s'appelle Django, qui est sorti en 2017. Alors, c'est un biopic, il parle pas de toute sa vie, hein, il va parler vraiment spécifiquement de 6 mois assez déterminants dans sa vie. Il me semble en 1944, si je ne me trompe pas. Et ça se passe en France. Hein. Django Reinhardt était français. C'est un style français. Typiquement français, ouais. Le jazz manouche. Et je vous mets en fond mineur swing de Django Reinhardt. Et petite anecdote aussi sur Django Reinhardt, il avait que 3 doigts. Et c'est un des meilleurs guitaristes de l'histoire. Donc, comme quoi, quand on veut, on peut. Et voilà, Django aussi, qui est un film réalisé par un français, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Étienne Comard. Donc voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce style et sur son inventeur, allez voir ou regardez Django, qui est ce biopic sorti en 2017. Alors, on va bientôt arriver au terme de notre émission sur le jazz. Après toute son évolution, on arrive aux dérives. On le sent puisque les artistes, les interprètes, comme tu l'as dit, avec The Rosenberg Trio et aussi Maceo Parker, on peut encore les entendre maintenant. On sent qu'on se rapproche de maintenant, de notre époque. Et pour finir, j'aimerais mettre un morceau d'Ibrahim Malouf, qui est un très grand trompettiste libano-français. Bah, je propose qu'on se laisse sur ce morceau-là et puis qu'on fasse la conclusion maintenant et puis qu'on laisse les gens sur Essentiel de Ibrahim Malouf. Essentiel d'Ibrahim Malouf. Pour conclure, j'aimerais dire que le jazz, c'est vraiment un style qui a influencé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on écoute à l'heure actuelle. Et il a parfois une image un peu... un peu trop intellectuel, comment dire, qui parle pas au grand public. Oui, qui est pas spécialement accessible, alors qu'en soi, je pense que c'est plus l'image qui devrait être cassée. Ouais, c'est ça. Je vous invite à aller écouter du jazz, à aller en découvrir. Moi-même, je suis pas expert, et en préparant cette chronique avec Mathias, j'ai découvert plein de choses que je connaissais pas. Et voilà, le jazz, c'est pas un style, c'est un style qui demande qu'à être connu. Donc je vous invite vraiment à aller en écouter, parce que je suis sûr que ce que vous écoutez là actuellement, il y a au moins un morceau qui aura été influencé beaucoup plus mais qui a été influencé par le jazz, hein. Qui aura été influencé par le jazz. Donc n'ayez pas peur, c'est un style qui gagne à être connu et que vous gagnez à connaître. Oui, je tiens même à dire par rapport à l'émission des tours d'horizon, je pense qu'il faut parfois avoir une certaine démarche de rechercher des morceaux ou des artistes qui sortent un peu de la pop, qui est diffusée très facilement à la radio, etc. Essayer de chercher un style, une époque, et qu'est-ce qui a été joué à cette époque pour pouvoir découvrir des fois des morceaux. Mais splendide, vraiment l'aléatoire sur ce qui a été fait avant. Il y a tellement de musiciens, de musique, d'interprètes. Ah oui. On peut trouver n'importe quoi en cherchant de manière aléatoire. Et des fois, il ne faut pas se laisser emporter par des médias ou par par faut arrêter d'être grégaire et c'est arrêter d'être emporté. Je dis pas que c'est mal, c'est bien d'écouter tous des morceaux, mais on peut très facilement trouver des choses exceptionnelles. Ah oui, c'est clair, avec les moyens de communication, internet qui est mis en place, Spotify, Deezer, etc. On peut trouver plein de choses. Des playlists jazz ou jazz découverte même. Voilà. Faites la recherche et croyez-nous, on a qu'effleuré la surface, donc je vous invite. Vous avez quoi creuser, oui. Voilà, vous avez vraiment de quoi creuser. Allez-y, faites des recherches, cherchez, découvrez plein de choses sur le jazz. Il y a encore plein de choses à voir. On va peut-être s'excuser auprès de certaines personnes, certains puristes qui pourront peut-être trouver l'émission un peu légère. On n'aura pas cité, on ne sera pas ou peut-être pas assez attardé sur certains artistes. Peut-être Coltrane qui aurait mérité qu'on s'intéresse un peu plus à lui, par exemple, ou bien d'autres. C'était vraiment la volonté de faire une découverte, présenter, introduire un peu le style. Et si on vous a donné envie d'écouter un ou plusieurs morceaux, ce serait, on aurait réussi notre travail. En soi. C'est ça. Et je tiens réellement à te remercier, Xavier, pour ta présence à cette émission. Tu as vraiment fait un super bon travail. Et c'était super de préparer cette émission avec toi. Ah bah surtout, merci à toi, Mathias, de m'avoir proposé de faire cette émission avec toi. J'en ai beaucoup appris. C'était vraiment super enrichissant. Ça m'a fait vraiment super plaisir de présenter ça avec toi. En espérant qu'on se retrouvera sur un autre sujet. À la longévité de Détour d'Horizon, j'ai envie de dire. À la prochaine émission que je présenterai prochainement. Bientôt, on aura l'occasion de la présenter. Et puis, voilà. Bah, pourquoi pas clore sur Ibrahim Malouf, qui est donc. Il a 37 ans, c'est un trompettiste libanais-français, il vit en Île-de-France. Il vit dans le 91. Hein. Dans le 91, même en Essonne. Et, lui, jazz-rock fusion. J'ai trouvé ça, alors après à vous de voir, mais c'est très influencé par le rock. Très influencé par le rock, oui. Mais c'est exceptionnel. Hein, aller voir un concert d'Ibrahim Malouf qui a commencé sa carrière en 1997 et qui joue encore actuellement. Et là, je vais vous mettre son titre pour clore l'émission. En vous souhaitant une bonne soirée ou une bonne journée. Et à bientôt sur Détour d'Horizon et sur RCO. Alors, c'est Essentiel de l'album Red and Black. Paru en 2015, Ibrahim Malouf. Je vous laisse, bonne soirée.